Du 9 au 21 juillet, la radio du Thomas, théâtre d'outre-mer en Avignon, ouvre ses micros et fait résonner les voix des créateurs français originaires des Caraïbes, de Guyane, du Pacifique et de l'océan Indien. Bonjour, vous écoutez Grand Large en direct d'Avignon au théâtre de la chapelle du Verbe incarné. Aujourd'hui, nous débattons avec nos invités de la conservation des spectacles vivants. Et bien sûr, puisque dans ce théâtre sont invités les créateurs d'outre-mer, nous parlerons en particulier de la conservation de leurs œuvres. Les invités de Grand Large pour parler de la mémoire du spectacle vivant aujourd'hui avec nous sont Lenka Bokova, conservatrice à la bibliothèque de la maison Jean Villard, Savannah Massé, critique dramatique et créatrice du site lamémoiredutheatre.com, et Marie-Pierre Bousquet et Greg Germain, les co-directeurs, co-directrices, faut mettre le féminin, merci, de la chapelle du Verbe incarné. Alors ils y accueillent le théâtre ultramarin depuis 20 ans, depuis plus de 20 ans, et s'attachent à en garder les traces. C'est un sujet important car cette mémoire des spectacles d'outre-mer est peu rassemblée, elle est très diffuse et risque de se perdre. Je me tourne d'abord vers vous, Lenka Bokova, vous êtes donc la conservatrice de la bibliothèque de la maison Jean Villard. C'est l'antenne du département des arts du spectacle de la BNF. Pouvez-vous nous expliquer le travail de cette antenne? Au fond, qu'est-ce qu'on garde pour garder la mémoire des spectacles? Merci de m'avoir invité. Bonjour, bonjour les auditeurs, les auditrices. Peut-être qu'on devrait quand même un peu rappeler les missions de cette antenne d'une façon plus large, puisque après, si on fait un focus sur le off et le spectacle outre-mer, il faut qu'on le replace dans le contexte plus général. D'ailleurs, j'ai peut-être un peu tort de parler du off, puisque le spectacle d'outre-mer a aussi été dans le Festival d'Avignon. Hein. On ne se limite pas à la chapelle du Verbe incarné et au off. Donc, cette maison Jean Villard que nous partageons avec l'association Jean Villard a été ouverte en 1979, avec des missions de conserver la mémoire de Jean Villard, du Festival d'Avignon, mais du Festival d'Avignon au sens large du terme, pas seulement le Festival d'Avignon qu'on appelle le IN. Donc, conserver cette mémoire, la mettre à la disposition du public et la faire vivre. Donc, c'est ensemble avec l'association qu'on partage cette mission dans la maison. L'association est plus pour, dans la partie exposition, animation, rencontre, débat, lecture, etc. Et nous, plutôt du côté de ce qui est les collections, leur conservation, mais forcément aussi leur valorisation, leur signalement et leur mise à disposition du public. Donc, effectivement, notre première priorité, c'est le Festival d'Avignon. Ce que nous conservons du Festival d'Avignon, ce sont les affiches, les programmes, la presse constituée en revue de presse par spectacle, les photographies qui peuvent nous venir de plusieurs sources, puisque ça peut être des photographies rassemblés par le Festival d'Avignon, que le Festival d'Avignon nous donne ensuite, ou bien des photographies qu'à un moment on a commandées aux photographes qui prenaient des photos des spectacles du festival. Et puis nous avons aussi pas mal de documents audiovisuels, vidéos, mais aussi des enregistrements sonores que le festival nous donne, que ce soit donc des spectacles présentés au Festival d'Avignon et captés, ou bien des enregistrements de conférences, de rencontres, mais également des émissions télé, radio, pour lesquelles la Bibliothèque nationale de France n'a pas de mission, cela relève de l'INA. Mais nous avons aussi des captations audiovisuelles que les artistes donnent au festival et que le festival ensuite nous transmet. Donc c'est une mémoire très riche qui, peut-être d'une façon plus profonde que celle que nous conservons pour le off, témoigne des travaux d'artistes. Alors, donc maintenant, notre deuxième priorité, puisque donc, la première priorité, c'est le Festival d'Avignon. Et là, effectivement, on tâche d'être aussi exhaustif que possible. Donc la deuxième priorité, c'est là maintenant qu'on entre plus sur le terrain qui nous préoccupe ici, c'est donc la mémoire du off. Moi, j'y tiens beaucoup. De toute façon, c'était une mission inscrite dans les missions de l'antenne de la Bibliothèque nationale de France. Et j'y tiens beaucoup et j'ai pu beaucoup insister sur cet aspect-là, puisque les artistes circulent beaucoup entre les deux festivals. Comme l'avaient montré des expositions que nous avons faites à la bibliothèque de la Maison Jean Villard à l'occasion de 50e anniversaire et 50e édition du OFF. Je devrais dire 50e édition d'abord et 50e anniversaire après. On a bien montré comment les artistes circulent entre les deux. Donc pour le OFF, compte tenu de sa richesse, de la masse de spectacles, de la masse des théâtres, Nous avons déjà beaucoup à faire, à collecter autant que possible la trace de chaque spectacle. Donc la trace de chaque spectacle, c'est au moins l'affiche qui continue à jouer vraiment un rôle important dans la promotion des spectacles au moment du festival. Et moi, je vois mal comment le festival serait sans affiche, même s'il y a des efforts de réduire peut-être le gâchis, papier, l'invasion. Je trouve que c'est une caractéristique du festival, l'affiche. Bon, en tout cas, nous n'avons pas à juger de son intérêt ou pas. Elle existe, donc nous la collectons. On pourra peut-être tout à l'heure parler aussi de ce concours qui est finalement, j'aime bien le dire, un peu un appât. Qui sert à faire connaître le travail et favoriser l'arrivée des affiches à la bibliothèque de la Maison Jean Villard. Donc nous collectons les affiches, nous collectons les tracts, ce qui n'est pas très compliqué parce qu'il suffit de tendre la main ou passer dans les théâtres et ramasser tout ce qui est sur les présentoirs. Les programmes des théâtres, les dossiers de presse, là on est très aidé par le bureau du OFF, du temps de Grec, et puis aujourd'hui ça continue, on travaille très très bien avec le OFF. La revue de presse que nous faisons avec le bureau de presse du OFF, et là ce qui touche plus à ce que je pense qui vous intéresse aussi, on invite les compagnies à nous transmettre aussi tout ce qu'elle a où elle diffuse ou garde du spectacle, que ce soit les teasers, les captations, parce que ça existe aussi, il y en a pas mal, des photos, des textes, bien sûr, surtout quand ils ne sont pas encore édités, et éventuellement des dossiers de presse en version électronique. On n'est pas encore aujourd'hui, mais on pourra en parler, dans une filière directe du numérique au numérique. Hein. Pour le moment, on demande aux compagnies de passer par un support, que ce soit la clé USB, ce qui est plus fréquent maintenant qu'il y a quelques années, où c'était plutôt des DVD ou des CD. Voilà ce qu'on peut dire déjà en introduction. Après, on pourra approfondir dans l'échange les questions que vous allez pouvoir me poser. En particulier, peut-être, ce qu'on en fait après. Non. Oui, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec beaucoup d'éléments. On voit que vous avez un souhait, en tout cas, d'exhaustivité. Alors, à l'intérieur de ça, pour peut-être arriver sur notre sujet, est-ce qu'il y a beaucoup d'outre-mer ? Est-ce qu'il y a une entrée particulière dans la manière dont vous classez, peut-être, parce qu'il faut bien classer pour avoir accès au spectacle qui concernerait ces régions ? Alors, nous ne classons pas par thème, ni par zone. Nous classons pour le off par lieu. Donc tout est classé par lieu. Donc effectivement, tout ce qu'on a pu collecter de la chapelle du Verbe incarné, puisque c'est vrai que c'est le haut lieu du spectacle d'Outre-mer, mais ce n'est pas le seul, puisqu'il y a des auteurs qui sont joués ailleurs, il y a des artistes qui se produisent ailleurs, à la chapelle du Verbe incarné. Donc effectivement, après, il faut chercher par les noms des compagnies, les titres des spectacles ou des pièces et les noms d'auteurs. Donc là, je peux peut-être vous expliquer un peu plus en détail la manière dont on travaille. Alors, moi, je vais, avant ça, faire réagir Marie-Pierre Bousquet et Greg Germain. Mais pour ça, je vais vous faire écouter un petit son qu'on a été chercher auprès d'un metteur en scène et directeur de lieu qui s'appelle David Bobet. C'est comme tout ce que fait la chapelle du Verre Incarné. C'est important de donner un maximum de visibilité aux expressions des ultramarins et des ultramarines. C'est essentiel de rappeler leur présence sur le continent, dans l'Hexagone, qui a vite très très fort tendance à oublier que la France est un archipel, que son histoire est multiple, que ses origines sont diversifiées, que son histoire est complexe. Et ce devoir de mémoire, il est essentiel, essentiel pour nous rappeler peut-être une responsabilité que l'on a, en fait. Être responsable et savoir reconnaître qui on est, d'où on vient, ça permet d'aller là où on doit aller et de marcher sans honte. C'est assez essentiel, oui. Donc cette mémoire-là, oui, elle est essentielle. Et aussi, peut-être, enfin, quelque chose par rapport aux ultramarins qui est quand même fou, c'est les racisés, les non-blancs en France hexagonale, ça ont des endroits de niche un peu pour s'exprimer, les francophonies, tout ce qu'il y a à la francophonie, des espaces dédiés, un petit peu fermés. Et les ultramarins n'y ont pas accès puisqu'ils sont français. Mais en même temps, comme ils sont noirs, ils n'ont pas accès non plus aux scènes nationales, aux scènes. Donc c'est un peu la double peine. C'est un peu les grands oubliés. Donc cette mission-là, elle est absolument absolument essentielle. Et je crois qu'il est temps, à un moment peut-être, de dénationaliser la langue française, tout simplement, et d'arrêter de classer les gens avec des étiquettes dans des endroits, et de célébrer simplement les gens qui rêvent, qui vivent, qui pensent en français, qui écrivent en français, qui créent en français. Et voilà, c'est un moment, commencer la mémoire des langues françaises, au pluriel. Marie-Pierre Bousquet, Greg Germain, alors vous êtes responsable de cette mémoire, peut-être Vous en Pardon. Sentez responsable. C'est un bien grand mot. Je voudrais simplement, sur ce qu'a dit Hélène Kabokova, rappeler ce qu'est Avignon. En fait, le festival d'Avignon, au départ, il naît avec Jean Villard, Jeanne Laurent, etc. Après 46, il a donc près de 72 ans aujourd'hui. C'est le plus ancien de nos grands festivals. Et probablement le plus grand festival de spectacle vivant en France. À côté de ce festival, 30 ans plus tard, aux alentours de 67, s'est greffé un autre festival qui était plus libéral, dans la mesure où ce festival d'État, que nous appelons aujourd'hui le IN, recevait ce que l'État, c'est-à-dire le ministère de la Culture, et au-delà de lui, le directeur du Festival d'Avignon, voulait bien recevoir. Lenka a raison aussi lorsqu'elle dit que des artistes ultramarins ont pu participer au festival IN, peu, et je fais partie des premiers qui ont participé, puisque j'étais avec Antoine Bourset, et nous avons ouvert le deuxième lieu du IN il y a 2700 années, à peu près. Non, je dis des biais, mais enfin, il y a très longtemps. Sur le OFF, c'est plus difficile, effectivement, et je viendrai tout à l'heure aux Outre-mer. Sur le OFF, c'est plus difficile parce que on peut très bien avoir une compagnie. Il y a trois, avant que la chapelle n'ouvre, il y a quatre compagnies venant d'outre-mer. Non, je ne dois pas dire des compagnies venant d'outre-mer. Il y en a deux venant d'outre-mer, deux compagnies de La Réunion et une compagnie de Guadeloupe, donc trois, qui sont venues jouer dans le OFF, dans le théâtre d'Alain Timard, puis ensuite dans le théâtre du Chien qui fume chez Vian Fantagioli. C'est en nous apercevant, il y a 21 ans, de cette carence. Je ne dirais pas de notre État, je ne dirais pas du ministère de la Culture, mais je dirais que parce que les départements et territoires d'outre-mer sont loin et qu'ils ne pouvaient pas participer à la grande fête du spectacle vivant de leur pays, que nous avons mis en place et fondé cette chapelle du Verbe incarné. À partir de là, effectivement, nous avons commencé l'œuvre de mémoire qui a été poursuivie, et c'est là que je trouve ça fort, par Lenka Bokova qui est arrivée, finalement Lenka, il y a moins de 10 ans. Oui, en 2011. En 2011. Et avant que... Alors, c'est un petit peu compliqué. Nous avons refondé le OFF lui-même en 2003. En 2006, nous l'avons pris. En 2009, j'ai été nommé président. Et à partir de là, j'ai vu arriver Lenka Bokova qui a décidé, elle, vraiment, peut-être avec une mission du ministère de la Culture, de collecter tout ce qui se faisait dans le OFF. Mais nous avions déjà commencé avant, évidemment. Et c'est en fait l'avenir, et c'est en prenant exemple sur ce que fait la Maison Jean Vilar et l'Anka Bokova que nous avons et que nous continuons à rassembler toutes les archives concernant les spectacles d'outre-mer qui viennent à la chapelle, évidemment. Et il y en a eu beaucoup, puisque ça fait 21 ans que cette chapelle existe, il y a eu à peu près 240 pièces, 240 compagnies qui sont passées à Avignon, et je crois que personne, aucun autre lieu en France ou dans le monde, ne possède les archives que nous possédons sur cette mémoire du spectacle vivant en ce qui concerne les Outre-mer. Ces archives, ce sont des archives écrites, ce sont des affiches, ce sont tous ces éléments dont on a parlé tout à l'heure. Mais ce n'est pas que ça. Alors, j'aurais bien qu'on parle un peu d'audiovisuel, Marie-Pierre. Oui, il y a beaucoup de choses, effectivement. Ce qui nous préoccupe aujourd'hui en parlant de la mémoire du spectacle vivant, ça vient aussi du fait qu'au fil de ces 20 ans, on interroge les gens en leur disant qu'est-ce qui se passe. Et puis souvent, on nous dit, quand on explique le projet de la chapelle du Verbe incarné, les gens nous disent, ah bon, mais il y a du spectacle vivant en Outre-mer. Oui, il y en a. Il y en a beaucoup, il est très présent et on s'est rendu compte que ce spectacle vivant se délitait dans les mémoires des gens, n'existait plus. Donc soigneusement, au fil des 20 ans, nous, on a, sans savoir finalement qu'on était en train de garder une partie de cette trace-là, on a conservé des boîtes avec ce que dit l'Inca d'ailleurs, les dossiers de presse, les tracts, etc. Des gens qui sont passés ici, mais aussi des gens qui nous ont envoyé des dossiers, c'est-à-dire qu'on a des caves pleines d'archives de vidéos, CD, donc c'est les VHS à l'époque, les mini-DV, etc. Donc la trace existe. Maintenant, la difficulté, c'est effectivement comment est-ce qu'on peut l'organiser, la mettre en état de conservation. À l'époque, on utilisait beaucoup les agrafes. Maintenant, on est beaucoup plus numérique, mais on sait que tous les dossiers qui sont agrafés, ça rouille. Les papiers, on avait des fax, les fax s'effacent. Donc cette trace, elle s'en va. Donc ça, c'est un premier matériau qui est très, très important, sur lequel il y a un travail énorme à faire et qui permettrait, sur un plan politique aussi, tout simplement, de dire le spectacle vivant d'outre-mer existe et a sa trace. Alors, pour en venir à votre question sur la partie audiovisuelle, depuis 2005, avec ce qui s'appelle Franceau aujourd'hui, qui s'appelait RFO à l'époque. Et qui va bientôt disparaître. Et qui peut-être bientôt disparaître. En tout cas, le Premier ministre a donné son souhait, annoncé qui était d'annoncer sa mise à mort pour la fin de 2019 ou 2020. Nous continuerons à nous battre tant que cette télévision émettra sur la TNT, parce qu'il nous paraît absolument injuste de la faire disparaître, et les raisons invoquées aujourd'hui nous paraissent également infondées. Donc jusqu'au bout, nous ferons entendre notre voix pour essayer de faire changer d'avis et de faire revenir le Premier ministre à la raison. Ça, c'est un autre débat. Ensuite, pour la partie audiovisuelle, donc avec RFO, nous avons lancé ici les collections audiovisuelles de spectacles vivants, une émission qui s'appelle maintenant Multiscénique, que Greg présente depuis plusieurs années. Et nous filmons de façon professionnelle et, comme on dit, broadcast, les pièces de théâtre de la Chapelle du Verbe incarné. Alors, pas toutes, mais aujourd'hui, on en a plus d'une centaine. Et dans le travail qu'on fait, on fait effectivement la première diffusion qui est occuper les écrans et montrer aux gens qui regardent Franceau et également dans les télépays, ce qu'on appelle les Guadeloupe Première, Martinique, Guyane, Réunion, enfin les télés qui sont présentes dans les Outre-mer sur le service public, le travail de leurs artistes, les imaginaires qu'ils portent, ce qui paraît déjà très important, mais également, en tant que productrice, je fais un deuxième travail qui est le travail de diffusion et surtout de mise à disposition de ces œuvres, puisque nous sommes présents dans les bibliothèques, les médiathèques, enfin ce qu'on appelle le circuit non commercial. Alors on va continuer après sur la télévision, mais Savannah Massé, j'aimerais bien vous faire réagir à tout ça, parce que vous suivez des artistes sur plusieurs années sur votre site à travers des interviews, des textes, des sons de pièces contemporaines. Pourquoi ce travail sur le net ? On vient de dire que les agrafes rouillaient, mais ce n'est peut-être pas la seule raison. C'est utile en quoi de construire cette mémoire contemporaine ? Bonjour Estelle. C'est vrai qu'aujourd'hui, le net, c'est la matière dont tout le monde se sert parce qu'il y a beaucoup de visibilité. Moi, en fait, avec ce projet, j'avais vraiment deux ambitions. La première, c'est de mettre en avant cette question de la transmission. je me suis posé la question, qu'est-ce que les artistes dramatiques aujourd'hui ont envie de léguer en fait aux futures générations, au-delà du temps de la représentation. Donc quelles traces est-ce qu'ils ont envie de léguer dans le temps? Alors bien sûr, ça brasse pas tout le théâtre contemporain d'aujourd'hui. Après, c'est des choix artistiques. La deuxième volonté, c'était ce qu'on fait un peu aujourd'hui finalement avec cette émission de radio Grand Large au théâtre de la Chapelle du Verbe Incarné, c'est de créer, alors moi, à travers des tables rondes qui ont lieu dans la bibliothèque Gaston Batty à la Sorbonne Paris 3, de créer en fait un espace de réflexion autour de sujets assez précis et de rencontres autour des enjeux en fait finalement du théâtre contemporain, se questionner ensemble pour créer un espace de parole et aussi de fidélité dans le temps avec ces artistes. Donc à chacune de leurs créations, on se retrouve devant une caméra et on en parle. Et ça constitue aussi, là notamment pour la Sorbonne, un matériel qui est exploitable parce qu'eux récupèrent le son de ces tables rondes. On a des échanges à chaque fois avec les spectateurs, donc il y a une émulation, des découvertes. Donc voilà, il y a vraiment ces deux volets-là qui sont mis en avant sur la mémoire du théâtre contemporain. Alors, puisqu'on parle de ce volet-là, il y a difficilement une mémoire sans un travail de recherche approfondi. Et ici, à la Chapelle du Verbe Incarné, depuis le début, il y a des rencontres universitaires. Elles n'ont pas toujours porté ce nom-là. Elles sont menées par Sylvie Chalaille, qui est directrice de recherche à Paris 3, et qu'on va écouter à ce sujet maintenant. Grâce à ce rendez-vous régulier, je pouvais avoir un contact chaque année avec des créateurs venant de la grande France, hein, comme on dit, c'est-à-dire de la République tout entière, que ce soit du côté de la Caraïbe, la Guyane, l'île de la Réunion, et que c'était vraiment un endroit, finalement, où je pouvais avoir une connaissance de ces pratiques artistiques, bien plus que, finalement, en se disant... c'est paradoxal, mais finalement, très vite, j'ai eu une vision quand même assez large de cette création. Et je me disais, c'est un rendez-vous, justement, le rendez-vous des théâtres d'outre-mer et d'Afrique. C'est un rendez-vous qui doit être aussi un rendez-vous pour les artistes, pas seulement pour montrer leur travail, mais aussi pour s'envisager les uns les autres et voir les rapprochements possibles, réfléchir ensemble. Moi, j'avais une vision comme ça, je dirais presque panoramique, grâce à ces rendez-vous. Et du coup, je me suis dit que c'était important aussi que les artistes qui venaient pouvaient repartir après avec l'idée que on réfléchissait sur leur travail, qu'il y avait un partage. Et du coup, ça correspondait bien à cette idée d'université d'été. On se rend compte qu'effectivement, il ne s'agit pas uniquement de collecter des éléments de spectacle, mais que ça va beaucoup plus loin que ça, de garder la mémoire d'un spectacle. Alors, peut-être, Lenka, Marie-Pierre, vous pouvez réagir à ces propos de Sylvie Chalaille. Oui, moi, je peux dire un petit mot, effectivement, puisque depuis 1998 ou 99, la première ou deuxième année, Sylvie Chalaille est attentive à notre programmation et fait venir des universitaires, des chercheurs, des enseignants-chercheurs, des étudiants qui travaillent cette matière et qui, à partir des propositions artistiques, remalaxent ça, réétudient, réorganisent et finalement mettent en perspective le travail des artistes qui sont souvent isolés puisqu'ils sont sur des territoires qui sont loin de l'Hexagone et qui sont des territoires qui sont plus petits. Donc la mise en perspective et la mise en regard des spectacles et des artistes et des créateurs les uns avec les autres, c'est quelque chose qui est absolument fondamental. Et eux, en termes de mémoire, justement, ils éditent beaucoup. C'est-à-dire qu'ils font les relevés et il y a Africulture qui a longtemps accompagné les ouvrages et puis un certain nombre d'éditions propres menées par Sylvie Chalaille qui permettent de garder la trace de ce qui a existé, d'en amener une analyse et une mise en perspective qui est absolument nécessaire. Mais si juste avant, pardon, oui, Greg. Je voudrais juste ajouter que c'est véritablement une action politique. Elle est culturelle, évidemment, éminemment, bien sûr, mais elle est politique d'abord parce que je me suis aperçu qu'il n'y avait aucune mémoire du spectacle vivant en Outre-mer, aucune. C'est-à-dire que du spectacle vivant, on en fait depuis que les départements existent. Ça serait le seul lieu du monde où on ne ferait pas de théâtre. Or, le théâtre était dans la rue, il est un petit peu partout. Et donc, c'est ceci qui a procédé à la fondation de la Chapelle du Verbe Incarné pour pouvoir essayer surtout de garder cette mémoire et de dire non, nous avons fait, nous avons déjà fait. Quand nous sommes partis pour la première fois en Nouvelle-Calédonie, Marie-Pierre et moi, pour chercher un spectacle, on nous a dit « Mais qu'est-ce que vous allez faire en Nouvelle-Calédonie ? On ne fait pas de théâtre. Oui, on fait du théâtre en Nouvelle-Calédonie et nous en avons ramené depuis 2003. Aujourd'hui encore, nous venons d'accueillir un néo-calédonien, Paul Wamo, qui est un slameur, mais enfin poète, etc., et qui va jouer à la chapelle du Verbe incarné. Donc, c'est aussi important de se dire, ça n'est pas que l'institution qui décide de qui a une mémoire ou qui n'a pas une mémoire, c'est aussi aux citoyens de faire le travail et de dire, je suis désolé, mais comme dit Aimé Césaire, moi aussi, je suis au monde, j'apporte quelque chose au monde et j'apporte quelque chose aux imaginaires de la France occidentale. Oui, c'est comme ça que j'appelle la France. C'est vrai que si c'est un archipel, il y a des France dans l'océan Indien, il y a des France dans l'océan Pacifique, il y a des France dans la Caraïbe, etc. Donc là, nous sommes en France occidentale. D'accord. Alors, Lenka, vous faites votre travail de citoyenne. Vous avez décidé, effectivement, de collecter cette mémoire du off, y compris, et pas seulement du in. Comment est-ce que vous mêlez la recherche, les travaux universitaires et ces spectacles-là? Alors, je voudrais d'abord peut-être préciser le fait que ce n'est pas moi qui a commencé avec la collecte de la mémoire du off. D'accord. C'est depuis que la bibliothèque existe à la Maison Jean Villard. Et même, ce travail a été, ça peut paraître curieux, mais finalement c'est tout à fait logique, a été fait par l'équipe du Festival d'Avignon, Paul et Mélie Puot. C'est dans les archives du Festival d'Avignon qu'on va trouver la première mémoire collectée du off. Depuis, en fait, 1967. Donc, nous avons poursuivi. C'est vrai que moi, ce que j'ai fait, ce que j'ai pu faire, parce que Marie-Claude Biard, qui m'a précédée, a terminé le travail qui était priorité numéro un, c'est-à-dire l'inventaire du fonds Jean Villard et de fonds Jean Rouvet, que moi, j'ai pu, après, poursuivre nos efforts, centrer nos efforts sur le traitement des archives du festival et sur la collecte, mettre le paquet sur la collecte et son signalement. Parce qu'en fait, la collecte s'est faite depuis 1979, tout était bien classé par lieu. Donc la logique de la collecte a été bien instaurée, mais ce n'était pas signalé. Et cela m'amène à rebondir sur la question que vous avez les uns et les autres évoquée, qui est ce que j'appelle la vivification de la mémoire. Parce que c'est vrai que mon métier, on l'appelle conservatrice, c'est vrai que notre mission est conservée, mais on ne conserve pas dans des boîtes de conserve qu'on ferme. Notre objectif et ce qui nourrit notre passion au travail, c'est le public d'aujourd'hui, pas seulement le public vague et hypothétique de demain. Hein. Donc, quand je parle de la vivification de cette mémoire, ce sont les chercheurs qui nous sollicitent et qui font aussi que ce que nous faisons trouve un retour chez eux. Et Sylvie, d'ailleurs, venait régulièrement à la bibliothèque se ressourcer aussi de ce que nous avons chez nous. Et nous avons accueilli aussi des moments de rencontre. Et il y a eu plusieurs travaux divers et variés qui ont été faits. Par exemple, il y a eu une chercheuse qui est venue faire un recensement chez nous de tout ce que nous avons sur le théâtre africain. Ce qui me fait penser au fait qu'on pourrait très bien confier à quelqu'un le recensement des ressources présentes à la Maison Jean Villard sur le théâtre d'outre-mer. On pourrait très bien confier ce travail à un étudiant en master 1, master 2, pas forcément plus loin, puisque, en fait, à la différence de ce que vous collectez ici, vous rassemblez ici et vous conservez ici, nous n'allons pas très en profondeur chez nous. Hein. Et là où il y a parfois des ressources plus profondes, enfin, quand je dis plus profondes, j'entends par là l'audiovisuel, photo, etc., autre chose que dossier de presse, tract et affiche, c'est très lacunaire, c'est un puzzle qui manque beaucoup de pièces. C'est grâce à l'ENCA que ce travail a été fait vraiment en profondeur par la Maison Jean Villard. Parce que lorsque l'ENCA arrivait, le off comptait commençait à approcher les 800 spectacles par jour. Ça veut dire 800 compagnies, 800 dossiers de presse, 800 affiches, 800 strates. Enfin, et je revois l'ANK très rapidement venant me avec voir en disant il faut, avec son vélo, venant me voir me disant bon, vous êtes le président, il faut que tout le monde puisse nous donner des affiches, que tout le monde... Et nous avons mis ça en place et oui. Je salue vraiment votre travail, l'ANK. Pardon, je vous ai interrompu, mais je voulais merci. Dire ça. Oui, c'est... Alors, comme je l'ai dit, c'est pas simplement conserver, c'est aussi faire en sorte à ce que, par l'échange qu'on peut avoir avec les chercheurs, principalement avec les chercheurs, bon, évidemment aussi les amateurs, mais c'est, ça va moins loin, cela permet de donner du sens à ce que l'on fait et aussi comprendre ce de quoi il s'agit. Ça aiguise notre appétit. Alors, je dis chercheurs, mais on a fait aussi des expositions à la bibliothèque. Et pour moi, c'est toujours des sujets qui sont l'occasion de me rendre compte de tout ce qu'on pourrait encore en faire. C'est vraiment les mises en appétit. Hein, parce que, et d'ailleurs, ça a été suivi des faits. Parce que quand on a fait la première exposition sur... la genèse du HOF dans les archives du Festival d'Avignon, ça a donné lieu à un master et ensuite maintenant il y a un autre master qui se fait sur les lieux du HOF, et ce master sur les lieux du HOF, il ne pourrait pas se faire sans les ressources qui sont à la bibliothèque. Et toute la question est aussi de se dire comment effectivement on rend cette mémoire active. Parce que conserver, c'est une chose, mais on a des malles pleines là-dedans. Alors peut-être que Internet, comment gérez-vous la partie numérique qui permet aussi, en ce qui nous concerne pour les Outre-mer, on a aussi la question de l'origine et de la localisation. Nous, on a à chaque fois des océans à traverser pour venir jouer. D'ailleurs, si l'existence de cette radio est aussi pour permettre de franchir les remparts, mais au-delà des remparts, de franchir les océans et de s'adresser à tout le monde. Donc là, le numérique devient un outil fantastique. Comment travaillez-vous avec Alors, ça le numérique, je pense qu'il est plus simple à aborder pour vous que pour nous dans une très grande maison telle que la Bibliothèque nationale de France, où la question du numérique se pose depuis très longtemps. Hein. Et là, j'ai envie d'ouvrir une parenthèse, parce que parfois, quand j'entends les gens dire les bibliothécaires n'aiment pas le numérique parce que ça leur enlève des lecteurs, c'est complètement faux. Nous sommes le numérique nous facilite l'existence. Ça permet de faire un catalogage partagé. Ça permet de mettre à la disposition... D'ailleurs, il n'y a qu'à voir Gallica, bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France, combien ce sont les lecteurs de la Bibliothèque nationale de France qui, par des millions de consultations, consultent les ressources que la BNF met à leur disposition pour faciliter l'accès à distance. Après, c'est quand même une très grosse machine qui aussi doit respecter plus que d'autres des questions de droit d'auteur. Donc, Gallica, c'est des documents libres de droit. Sinon, il y a, donc ça c'est important à savoir, il y a Gallica Intramuros, et cela me permet de dire que nous avons numérisé plusieurs années d'affiches du HOF, mais comme nous n'avons pas négocié auparavant les droits, ces affiches ne sont pas accessibles sur Gallica. En revanche, elles sont accessibles dans Gallica Intramuros. Elles peuvent être consultées à Paris, alors que physiquement, elles se trouvent ici. Et un jour, quand on aura tout numérisé, j'espère qu'on... Enfin, là, on a accéléré le tempo. Cette année, on en numérise cinq années. J'espère l'année prochaine, on numérisera encore cinq, et après encore cinq. Donc, dans quelques années, on aura tout numérisé. Et donc, cela nous permettra de pouvoir feuilleter sans aller ouvrir les tiroirs, sortir des pochettes, manipuler les affiches, ça les abîme. Donc, du coup, on pourra permettre aux chercheurs de faire un travail sur les affiches à partir de Gallica Intramuros, sachant qu'en plus, dans quelques années, en fonction de l'évolution de la législation et peut-être en fonction de ce qu'on pourra faire en matière de négociation de droits, on pourra peut-être les publier. Mais le travail est fait, et il est fait, je ne dis pas pour l'éternité, mais quand même pour longtemps. Et là, je voudrais encore ajouter une chose, c'est que le numérique, il apparaît un peu la panacée. C'est vrai que par rapport à des exigences de conservation, par rapport, par exemple, à tout ce qui est support analogique en audiovisuel, c'est vraiment une très, très bonne chose. Mais la conservation du numérique, c'est un vrai problème. Et la BNF a la solution. La BNF, la grande maison. Il y a le SPAR, une machine avec des robots, avec tout un protocole de transfert des données réguliers, de manière à effectivement préserver la sécurité des données numériques, oui, mais qui se chiffrent dans des milliards. Voilà, ouais. Exactement. Et c'est dans ce SPAR-là, dans ces robots-là, que se trouvent les affiches off numérisées, les vidéos numérisées, les photos numérisées. On ne peut pas mettre ça sur Internet. Marie-Pierre Bousquet. Oui, je voulais juste rajouter que la BNF a fini ou fait la numérisation de l'œuvre d'Édouard Glissant, puisque ici, dans la chapelle du Verbe incarné, la salle de spectacle s'appelle Salle Édouard Glissant. L'œuvre d'Édouard Glissant a été déclarée trésor national, et ce qui permet justement à la BNF de numériser, de conserver cette œuvre, les manuscrits, etc., et fait partie de cette richesse, voilà, comme on est très attaché à Édouard. Avec lequel nous clôturerons cette émission. Alors moi, j'ai deux sujets que j'aimerais qu'on aborde. D'abord, ce sujet d'Internet. On voit la nécessité absolue, effectivement, de grosses machines qui sont très utiles et très puissantes. Mais peut-être qu'on a aussi besoin de formules plus souples. Et pour rendre vivante cette mémoire et la rendre accessible, alors je ne sais pas qui se sert de votre site Savana, des étudiants, des metteurs en scène? Moi, j'ai deux types de public. Un premier qui est peut-être plus averti, qui sont des gens qui viennent au théâtre et qui, effectivement, sont plus ou moins fans de tel metteur en scène, tel comédien ou tel auteur, parce que c'est vraiment ciblé sur les metteurs en scène, les comédiens et les auteurs dramatiques. Après, c'est aussi... voilà, un challenge d'attiser la curiosité des gens qui vont au théâtre, mais voilà, enfin, qui ont peut-être envie de prolonger en fait le spectacle après le temps de la représentation. Et il y a aussi ce volet des scolaires, parce que moi, il y a quand même quelques années, j'ai étudié les arts du spectacle à l'université de Nanterre, et j'aurais bien aimé avoir justement un matériel pour avoir des interviews de metteurs en scène dont on m'a parlé pendant toute ma scolarité. Autre chose en fait qu'une matière papier avec des textes, même si je suis très attachée aux mots et à l'écrit, avoir ce projet-là, quoi. Donc par rapport aux étudiants, encore une fois, à la Sorbonne Paris 3 avec laquelle le projet est partenaire, c'est une belle matière parce que ça leur permet d'aller au-delà, de leur apporter un support de plus, et puis aussi de créer du lien, des projets, de la curiosité, d'en savoir davantage. Donc pour ça, le numérique apporte une grande visibilité. Alors pour ça, on a deux éléments. On a le numérique et puis on a l'audiovisuel dont on parlait tout à l'heure. Et pour reprendre quand même la discussion sur les possibilités de l'audiovisuel, particulièrement pour le spectacle d'outre-mer, on va écouter maintenant François Guilbeault, qui a été directeur de France O, entre autres, et qui a été directeur de France O quand les captations de spectacles ont commencé ici. On l'écoute nous en parler. L'idée, c'était de profiter du festival, de la présence de plusieurs troupes venant de différents territoires d'outre-mer pour justement faire des captations en un seul lieu. Et on avait tout de suite cinq ou six pièces qu'on pouvait exploiter à la fois sur France O, donc à destination du public plutôt hexagonal, mais qu'on pouvait également utiliser sur les chaînes qui à l'époque s'appelaient pas encore les premières, mais s'appelaient les télépays, pour le diffuser sur les territoires. Et aujourd'hui, vous l'avez rappelé, une centaine de pièces, ça devient une mémoire en fait de tout le spectacle vivant de l'outre-mer. Et je crois qu'il n'y a pas beaucoup de lieux où on aurait pu rassembler aussi rapidement une telle quantité de spectacles d'origine ultramarine. Donc je pense que ça a une valeur, et déjà le public est présent pour les voir, donc ça, c'est déjà le premier but est atteint, et puis ça a une valeur vraiment patrimoniale également. Marie-Pierre Bousquet, alors du coup on entendait François Guilbeault, Marie-Pierre Bousquet et Greg Germain, on repartait dans cette époque où vous avez commencé non seulement accueillir les spectacles dans cette chapelle du Verbe incarné, mais à les filmer, c'est-à-dire à vraiment en écrire une histoire, et une histoire de tous les programmes, ou presque tous les programmes qui sont venus ici depuis 20 ans. Et oui, finalement, cette notion de mémoire est arrivée au fil de l'eau. Au début, la question était presque plus une question audiovisuelle, était de comment occuper les écrans des Outre-mer avec des imaginaires qui parlent aux gens des Outre-mer, et diversifier la proposition éditoriale dans une économie qui était accessible, puisque sans parler précisément de ce sujet, il existe quand même les possibilités de production, les possibilités d'accompagnement financier des productions audiovisuelles en ce qui concerne les Outre-mer sont largement en deçà de tous leurs autres compatriotes. Donc en dehors de ce qu'on appelle un peu brutalement un apartheid audiovisuel, l'idée était vraiment d'occuper les écrans. Et puis petit à petit, au fil de l'eau, comme je le disais tout à l'heure, on sent bien que les gens nous disent « Ah bon, mais il y a du spectacle vivant en Outre-mer ». Moi, j'étais encore à une réunion à France Télévisions il y a 15 jours sur le suivi des accords spectacle vivant, c'est-à-dire les captations qui sont faites. France Télévisions nous remettait les chiffres de France 2, France 3, France 4, France 5, Franceau. Et quand j'ai posé la question de où étaient les chiffres des captations de spectacles vivants dans les Outre-mer et dans le service public audiovisuel des Outre-mer, les gens ont ouvert des grands yeux, paraissant très étonnés de la question. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des captations de spectacles vivants en Outre-mer, mais ça n'a, enfin, pour les gens qui décident ici et qui font les dossiers, ça, finalement, ça n'existe pas. Et donc, C'est cette absence de considération, cet oubli systématique qui font que, au fil de l'eau, on s'est rendu compte que si individuellement on nous disait bah, d'abord vos pièces, ça n'intéresse pas grand monde. Finalement, non. Quand François a commencé à être mesuré, on s'est rendu compte qu'il y avait de l'audience et plutôt une audience très, très correcte par rapport au reste de la chaîne. Et qu'au-delà de cette audience, on créait vraiment cette mémoire par sédimentation. Oui. Alors, on peut d'ailleurs, au sujet de cette audience, réécouter très brièvement François Guilbeault. On pouvait prendre les risques, et en fait ça a été un risque, je crois, qui a été pris à bon escient, puisque après, plus tard, quand déjà François est passé sur la TNT et qu'il y a eu des mesures d'audience, ben on a constaté que parmi les programmes de François qui étaient regardés, il y avait ces captations de pièces de théâtre. Et puis bon, après François j'ai été aussi directeur général de France 2. Et à l'époque, c'était l'époque où on avait relancé de la captation de pièces de théâtre. Alors, c'était évidemment des pièces plus assez grand public, mais ça marchait très, très bien. On a fait des audiences remarquables avec certaines pièces de théâtre, justement parce que ça avait un peu disparu des antennes. Et y a un public pour ça, et ils étaient contents de le voir. Alors, peut-être il ne faut pas le faire tous les soirs, mais préserver un côté événementiel, mais ça fonctionne. Il n'y a pas de fatalité. Marie-Pierre Bousquet, une réaction? Oui, non, je voulais juste rajouter que, aussi au fil de l'eau, le travail qu'on fait, c'est de laisser à disposition les œuvres et des pièces qu'on a filmées dès le début. Nous, elles sont en VOD sur notre site internet et sporadiquement, on a quand même des gens qui viennent acheter un programme pour consulter sur 3-4 euros une pièce qui avait été filmée ici il y a quelques années. Donc, on sait que cette trace est importante, aussi modeste soit-elle, elle existe. Oui, pardon, je vais juste dire quelque chose. François a parfaitement raison, ainsi que Marie-Pierre, mais je dois quand même ajouter ceci, c'est que le CSA fait obligation au service public, donc à France Télévisions, groupe auquel appartient France O, de réaliser un certain nombre de captations de spectacles vivants. Eh bien, on s'est aperçu que grâce au travail qu'a fait France O avec La Chapelle du Verbe Incarné et le Multiscénique, l'émission que j'anime, que ça permettait à France Télévisions de remplir tout à fait ses quotas en ce qui concerne le CSA. Ça n'est pas pour ça que nos captations sont valorisées à leur juste prix. Ça, c'est mon côté revanchard, ouais, revendicatif. Il faut le dire. Il faut toujours dire les choses. Moi, Estelle, je voudrais juste parler de l'avenir, puisqu'on n'a pas parlé de cet outil qui est la Chapelle du Verbe Incarné, qui s'est donné, je dis bien, pour mission, avec une aide du ministère de la Culture, peu, et une aide du ministère de l'Outre-mer, dont ça n'est pas la vocation, puisque culture, ça n'est pas l'Outre-mer, depuis 21 ans, nous réalisons un certain travail dans le spectacle vivant, dans la mémoire, puisque nous avons, par exemple, ce qui devrait faire saliver l'ENCA, plus de 10 ans d'entretiens matinaux avec Édouard Glissant, Edoui Plenel et d'autres philosophes qui se sont donné rendez-vous à la Chapelle du Verbe Incarné pour parler des imaginaires, pour parler de la créolisation, pour parler du monde en général, de ce qu'il devient et de ce qu'il est. Et nous avons donc tout ça à notre disposition. Et l'avenir pour moi de cette chapelle, qui n'est ouverte qu'un mois par an, devrait pouvoir non pas être une maison Jean Villard, toute chose égale par ailleurs, ça n'est pas ça que nous cherchons, mais de devenir là aussi un vrai centre de ressources absolument spécifique de ce qui se fait comme spectacle vivant en Outre-mer, puisque nous avons toutes ces archives à notre disposition, et puis surtout que nous pouvons continuer avec les écritures dramatiques, les formations de régisseurs, de machin, mais ça fera peut-être l'objet l'année prochaine d'une autre émission. D'une autre émission. Donc en effet, on a ici rassemblé le matériel de mémoire nécessaire à classer et à offrir beaucoup de ressources déjà aujourd'hui sur le spectacle ultramarin. Un petit mot sur ces pistes d'avenir Denka ou Marie-Pierre Bousquet pour conclure. Oui, effectivement, le besoin finalement aujourd'hui se fait vraiment sentir de rassembler cette mémoire. Le matériau est là, enfin une première partie du matériau est là. Maintenant, il faut aussi qu'on s'adresse aux Outre-mer. Normalement, il fait partie, je crois, de la mission des scènes nationales d'avoir un volet conservation. À mon avis, en Outre-mer, cette partie-là de la mission doit être un petit peu oubliée. Donc, il faut qu'on complète ça, parce que ce lieu a bien sûr son histoire et ce qui se passe ici, mais il a bien sûr vocation à rassembler beaucoup plus largement. Et puis, la question se pose, et ça, j'espère, Linka, qu'on aura l'occasion de pouvoir en reparler, c'est comment cette mémoire-là la rendre disponible et active, parce que l'enjeu est bien sûr de la trace, mais il est surtout de la mise à disposition et de la fluidité et de la dynamique. Oui. Oui, Greg dit que ça doit me faire saliver, bien sûr. Mais en même temps, nous n'avons pas, comment dire... Vocation à... Oui, à tout prendre, tout ramasser, tout garder. Enfin, on n'a pas des visées monopolistes du tout. Et il est... Bon, après, il faudra qu'on puisse en parler, y compris avec le directeur du département des arts du spectacle, Joël Tvol, et la direction de la BNF, pour voir quel peut être le partenariat à établir et comment ce que nous pouvons vous apporter. Parce que peut-être vous avez des possibilités que nous n'avons pas, d'une certaine façon. Oui, donc, il faudra qu'on arrive à trouver une manière de travailler ensemble qui puisse... nous convenir à tous, parce que à vrai dire tout ce qui est de foi aussi, voilà, hein, surtout oui, tout à fait, et puis que nous on puisse vous aider, et puis que qu'on se renvoie le public, c'est nécessaire. Et sur ce beau projet, je vais vous demander de conclure, Greg Germain, sur ce sujet. Je ne conclue jamais une aventure que j'ai commencée. Je vais simplement vous dire à suivre. Voilà, merci beaucoup. Et alors, nous allons suivre avec quelque chose qui nous parle de mémoire, puisque pour cette émission, nous avons pu créer une série intitulée « Paroles d'Edouard Glissant » qui est composée de 12 épisodes. Nous écoutons avec joie, mais aussi avec tristesse, parce que c'est la dernière aujourd'hui. Le dernier épisode de ces « Paroles d'Edouard Glissant » qui est une rencontre avec Laure Adler. « Paroles d'Edouard Glissant », une série radiophonique en 12 épisodes, présentée par Raphaël Laureau, en collaboration avec l'Institut du Tout-Monde. Décembre 2010, Édouard Glissant accorde à Laure Adler ce qui sera son ultime entretien. D'une voix douce et calme, il en revient ici aux sources primordiales, Aimé Césaire et Frantz Fanon. Quand j'étais jeune, j'ai beaucoup fréquenté Césaire, parce que c'était notre maître à tous. Mais je n'ai... jamais participé ou acquiescé ou adopté les théories de la négritude. Précisément parce que le regard du fils et la vision de l'étranger, ou le contraire, la vision du fils et le regard de l'étranger, ça suppose la multiplicité, ça suppose... que l'on soit conscient de sa multicomposition, de sa multi-relation à l'autre. Et je pensais que

Et puis, comme aujourd'hui, c'est la dernière de cette série d'émissions en direct d'Avignon, je fais quand même un tout petit remerciement, bien sûr, à l'équipe de la Chapelle incarnée dans son intégralité pour son énergie et son efficacité à créer ce média en plein cœur des représentations du festival. Un merci particulier à Louise Ruby, stagiaire tout-terrain et lumineuse, à Alice Baudouin pour son infaillible ou presque accompagnement technique, à Savannah Massé pour ses présentations toujours pertinentes des créateurs que nous avons reçus, à nos chroniqueuses de choc, Marie-Cécile Drécourt et Nathalie Lollet du magazine Antilla. Et puis enfin, last is not least, à Marie-Pierre Bousquet et Greg Germain qui se sont lancés dans cette aventure radiophonique. Et à nos super partenaires, Aligre FM, Radio Grenouille et Antilla. Alors au revoir à tous et puis à l'année prochaine. Désolée, je prends la parole pour un dernier merci. Merci Estelle d'avoir relevé le défi de monter cette radio et d'en assurer la réalisation sur ces 2 semaines. C'était vraiment formidable et on se dit à l'année prochaine. À très bientôt. Au revoir.